DJ Boombastic. Ouais, ça va faire mal. Hommage à tous les DJ de la Côte d'Ivoire et du monde entier. Voici pour vous l'ambiance dans un système esprit à Fouka Fouka, à Fouka Fouka, à Fouka Fouka. On y va. Oui, oui, oui, oui. On y va, on y va. Inspiration divine, on est où là? Fouka Fouka, Fouka Fouka, Fouka Fouka, Fouka Fouka, Fouka Fouka, Fouka Fouka, Fouka Fouka, Fouka. DJ, ce sont les DJ. Abli l'invisible. DJ, ce sont les DJ. DJ, MC Rams, on y va. Mathieu, Onction, DJ, Willy, DJ, Impression. DJ, DJ Serge, DJ Polio, DJ Iblo, DJ Boba, Pascal, Abadou. DJ Ramsey, DJ Matrix, DJ Willy, Papa Roger, l'ordinateur. DJ Hervé, Denon, Alex et Funk, Sergent Killer, DJ Alain Dumas. DJ Cisco Savannah, DJ Bicho, DJ Cyprien. DJ Ponsinanga le parrain, DJ Yannick, DJ Jacob. DJ on est sous les mains. Fouka Fouka pour danser. Ambiance à gogo. Fouka Fouka pour bringuer. Ça va chauffer. Fouka Fouka, Fouka Fouka, Fouka Fouka, Fouka Fouka, Fouka Fouka, Fouka Fouka, Fouka Fouka, Fouka Fouka. Jeff Bogo le Bongo, on y va. Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, hein. Ça c'est dangereux. Yvan Trésor, fils de son père. Deux. Ça c'est dangereux. Jean-Pierre Sanga, JC Atta. Ando Kofi. Ça, c'est dangereux. Innocent Versace, bébé Ramazani, très très fort. Babou, Toubé, ça va? Oh, y'a joli, joli, bango, bana, qui t'en va, sous ma boue, tout ma nette, à des boîtes, Innocent Versace, bébé Ramazani. Bonga bonga puka puka puka puka puka puka puka puka puka puka puka puka puka puka puka puka puka puka puka puka puka puka puka puka puka puka puka puka puka puka puka puka puka puka puka puka puka puka puka puka puka puka puka puka puka puka puka puka puka puka. Brabuda, brabuda, brabuda, brabuda. Fuka fuka fuka fuka fuka fuka fuka fuka fuka fuka fuka fuka fuka fuka. Hey, so ke na de ba ke ba tobi na ngale bi na maso ke na mapoti ka moto ta ka ninge na mapota nga ke ta bon boti ka makabo na buzo babo ka nga binoko ya binoko vale solitaire to zaki ba di bola revela so de mente ke ba di je 40 ke na ningi ko bela bi sokolo la ngaye na mariki tiki pato. On va mettre la pression ce soir. Elle met la pression. J'y sais, Jaguar. Elle met la pression. Fuka, fuka, fuka, lega lega chu, masibule, fuka, fuka, Waterloo, fuka, fuka, masibule, nyaka bota, nyaka bota, nyaka bota, nyaka bota, bébé, tole, aïma bilasio yo, wana bilaga yo, ma chance de prime tu du nigolo, c'est toi, wama suku, c'est ma gueule, le chu, fuka, fuka, nyaka bota, laissez tomber, ici on fait un zekula. Zekula, Zekula, Zekula, le Mola, Zekula, Zekula, Zekula, Alex le gaucher, Zekula, Zekula, Zekula, DJ Benjamin, Zekula, Zekula, Zekula, Maître Aka, La Biza, Maurice Aïe, le téléphone, John Chain, Bokassa Premier, Stéphanie, la seule métisse qui me reste. Quoi, mes germains?